إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نعم. Donc, on continue notre dars sur l'explication du livre Ar-Radd al-Shar'i al-Ma'qul 'ala al-Muttasil al-Majhul du Cheikh Ahmed al-Najmi. Et à partir de jusqu'à maintenant, on est rendu au cours 21 aujourd'hui, et on a fait tout ce qui est le plus important dans le livre jusqu'à maintenant, c'est-à-dire la partie de la clarification et de la réfutation détaillée de certains points qui sont parmi les grandes erreurs et les grands problèmes du groupe des Ikhwan al-Muflisin. Hein, et donc, alhamdoulillah, maintenant, on va passer à la dernière étape, et c'est la dernière partie qui reste dans le livre. Il ne reste pas grand chose à faire, probablement qu'on va terminer ça aujourd'hui ou demain, Inch'Allah. Donc, on va continuer tout de suite avec le texte. Le Cheikh, il dit Amma qawluhu, حرية إقامة الشعائر الدينية لجميع الأديان السماوية المعترف بها قلت في هذا الكلام تمويه وإيهام كأن اليهودية والنصرانية معترف بها في شريعة الإسلام وكأن الإسلام أقر هذه الأديان ولم ينكرها والحقيقة أن الإسلام أنكر على أهل هذه الملل ما هم عليه من الباطل ودعاهم إلى الحق وقد كتبت ردا على هذا الزعم وخلاصته أن دينهم ما بين باطل محرف وحق منسوخ. Donc pour commencer dans ce premier paragraphe, le Cheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah, il dit en ce qui concerne sa parole, c'est-à-dire la parole de ces gens-là au Soudan, des Ikhwan du Soudan, quand ils ont dit qu'ils ont voulu établir la liberté d'établir les rituels religieux ou les pratiques religieuses pour toutes les religions célestes qui sont reconnues, le Cheikh il commente à ce point-là et il dit quand on lit sa parole, on a l'impression ou ça nous donne l'impression que la religion juive et la religion chrétienne sont reconnues par la charia de l'islam. C'est-à-dire, c'est comme si il essayait de dire que l'islam acceptait ces religions-là et ne les dénonçait pas et ne les rejetait pas. Et la réalité, c'est que l'islam rejette de ces religions-là ce qu'ils pratiquent et ce qu'ils font qui est faux et qui est en contradiction avec la vérité. Et l'islam les invite et les appelle à laisser tomber ces faussetés-là et à revenir vers la vérité. Et le cheikh, il dit qu'il a écrit lui-même une réfutation de cette idée-là, de cette prétention-là. Et en gros, pour résumer tout ça, tout ce qu'il a dit dans cette réfutation-là, c'est que leur religion, c'est-à-dire la religion des juifs et des chrétiens, elle est entre deux choses. Soit qu'elle est fausse et falsifiée, ou vraie et abrogée. Donc ça, c'est les deux choses entre lesquelles se situent les pratiques et les croyances des juifs et des chrétiens aujourd'hui, depuis la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin des temps. D'accord? C'est soit qu'elle est vraie, mais qu'elle est abrogée, ou bien qu'elle est fausse parce qu'elle a été falsifiée. Hein, et ça, c'est la réalité au sujet de leur texte, de leur livre, et au sujet de leur pratique et de leurs croyances religieuses. Hein, soit qu'elles sont vraies, mais qu'elles sont abrogées par le Coran, par la Sunna, par l'Islam, soit qu'elles sont fausses et qu'elles sont, parce qu'elles ont été falsifiées et déformées par les rabbins et les moines et les églises et les papes, ainsi de suite. Parce que vous savez que les chrétiens et les juifs, ils changent leur religion au fur et à mesure que le temps avance, pour satisfaire et pour plaire au goût des individus qui font partie de cette religion-là. Et donc, si certains d'entre eux, par exemple, disent qu'on a, envie que, ou on aimerait que l'homosexualité soit légale ou soit acceptée, eh bien, ils mettent de la pression sur leur église pour que l'église le change. Et, bien entendu, ces gens-là, ils ne veulent pas perdre des adeptes ou des fidèles, alors ils vont obéir aux demandes de leurs fidèles qui ont dévié, hein, malgré l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que pour l'islam, bien entendu, ce n'est pas le cas, c'est-à-dire on ne va pas faire de compromis avec personne, peu importe à qui ça peut déplaire, la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle doit rester telle qu'elle est, et elle ne va pas être changée, ou comme ils disent, il faut l'adapter. Non, on ne va pas l'adapter aux passions et aux désirs de quiconque. On va la laisser telle qu'elle est, hein, telle qu'elle est révélée par Allah subhanahu wa ta'ala, surtout si c'est des questions qui ont rapport avec les fondements et les principes établis de l'islam, qui sont connus de la religion par nécessité depuis des siècles, et au sujet desquels il y a des textes clairs dans le Coran, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique, et dans les paroles sur lesquelles il y a un consensus général des savants de toutes les époques à leur sujet, on ne peut pas revenir sur ces paroles-là parce que ce sont des vérités. Et de rejeter la vérité ou de la déformer après qu'on l'ait acceptée et reconnue, parce que ça déplaît à certains individus, bien entendu, c'est de déformer et de rejeter la vérité et non pas quelque chose qui est acceptable. Donc, le cheikh dit « Amma iqamatu dinihim al-muharraf, faqad taraka lahum nabi sallallahu alayhi wa sallam thalika bi shart ada al-jizya allati faradaha Allah azza wa jal fi kitabih. Fa'idha adawha فهم آمنون على دعائمهم فهم آمنون على دمائهم وأموالهم وملتهم بالشروط التي شرطت عليهم أو شرطت عليهم في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وليس ذلك إباحة من الإسلام نبي ونبي الإسلام وليس ذلك إباحة من الإسلام ونبي الإسلام لدينا لدينهم الباطل ولا إقرارا لما هم عليه من الكفر فافهم ذلك وإنما لأجل كف شرهم عن الإسلام والمسلمين وإذلالهم وإعطائهم الفرصة للتأمل لعلهم يدخلون في دين الإسلام إذا عرفوه ولمسوا عدالته. Dans ce paragraphe, le cheikh il dit que quand on leur permet d'appliquer et de pratiquer ou de rester sur leur fausse religion qui a été falsifiée, c'est vrai que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a permis ça à condition qu'il donne la jizya que Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné dans son livre. Et lorsqu'ils ont donné la jizya, ils vont être en sécurité dans leur bien et dans leur sein et dans leurs pratiques religieuses, avec certaines conditions qui ont été établies à l'époque de Omar ibn al-Khattab sur les Juifs et les chrétiens, pour les Juifs et les chrétiens. Et cette permission-là pour les Juifs et les chrétiens, ça ne veut pas dire que l'islam et le prophète de l'islam acceptent ou permettent leur fausse religion ou les acceptent, yani, dans ces fausses pratiques-là et ces fausses croyances qu'ils ont. Parce que ce sont des croyances de kufr et des croyances de dalal et de shirk. Et donc ça, il faut bien comprendre que si on leur permet de pratiquer, de continuer à pratiquer leur religion avec les conditions qu'on a mentionnées et avec les règles qu'on a mentionnées, c'est, le cheikh il explique, il dit c'est uniquement pour que les musulmans et l'islam soient épargnés de leur mal, hein, qu'ils cessent de faire du tort à l'islam et aux musulmans, et pour les humilier en même temps, et pour leur donner une possibilité de réfléchir, de méditer sur la religion musulmane pour qu'ils puissent entrer dans l'islam lorsqu'ils l'ont appris et lorsqu'ils l'ont compris et lorsqu'ils ont vu et réellement observé et constaté sa justice. Hein? Donc ça c'est un point important. Et le cheikh il dit « Inna al-ibadat allati » يزاولونها في كنائسهم ومعابدهم إن صح تسميتها عبادة فهي عبادة باطلة مردودة لا يعترف بها الإسلام ولا يقرهم عليها لأنها مبنية على ما في كتبهم والذي في كتبهم لا يخلو من أمرين إما باطل محرف وإما حق منسوخ ولذا فإنه لا يصح أن تسمى شعائر ولا يقال إن الإسلام معترف بدينهم ولكن الله عز وجل جعل لهم فرصة الحياة إذا أدوا الجزية مهلة عسى أن يتوب منهم من يتوب وينيب ويرجع إلى الله عز وجل منهم من ينيب فإن أبوا جمع الله عليهم العذاب في الآخرة قال تعالى ألف لام را تلك آيات الكتاب والقرآن المبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون والآن سأعود إلى الكتاب الذي جاءني من ذلك الصديق وضمنه وضمنه ومن ضمنه رسالة المتصل المجهول. Donc ici, il dit que les adorations que font les chrétiens et les juifs dans leurs églises et dans leurs synagogues, hein, si on a le droit de l'appeler entre guillemets, il met ici, et si on peut vraiment appeler ça une adoration, parce que bien entendu, quand quelque chose n'est pas voué uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala et selon les règles de la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en réalité, ce ne sont pas des adorations, même si les gens les considèrent comme étant des adorations. Mais le cheikh, il dit, juste pour qu'on comprenne exactement de quoi on parle, les choses qu'ils font dans leurs églises et dans leurs synagogues, et qu'ils considèrent comme étant des adorations, ce sont des fausses adorations qui sont rejetées, elles ne sont pas acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'islam ne les considère pas et ne les reconnaît pas. Hein, et ne les accepte pas, ou n'accepte pas le fait qu'il continue de pratiquer ces choses-là. Et ça, c'est pour répondre en même temps à certains individus, yani, comme Tariq Ramadan, hein, je parle souvent de lui parce que c'est un des exemples les plus clairs à ce sujet-là. Tariq Ramadan, dans certaines de ses conférences, il dit que il est obligatoire de respecter les religions des juifs et des chrétiens, parce que c'est Dieu qui les a voulues, puisqu'elles existent. Hein. Et il faut donc non pas tolérer, mais respecter ces religions-là, parce que c'est Dieu qui les a voulues, ainsi de suite. Et bien entendu, Allah subhanahu wa ta'ala, comme j'expliquais la dernière fois, tout ce qui existe, c'est lui qui l'a voulu, c'est vrai. Et ça fait partie de sa sagesse et de son plan. Sauf que le fait qu'il l'ait voulu, ça ne veut pas dire qu'il l'accepte et qu'il l'aime. Hein? Il a permis certaines choses qui sont interdites de se produire dans l'univers pour tester les êtres humains. Mais en même temps, il nous a expliqué que ces choses-là sont mauvaises et qu'elles sont interdites pour nous par ses révélations, dans ses livres, par ses messagers. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser la prédestination comme une preuve pour justifier des choses qui sont interdites par l'islam. Hein? C'est comme si quelqu'un disait, il faut respecter le shaitan, Iblis, parce que Allah a voulu qu'il existe. Ou il faut respecter l'alcool et le porc, parce que Dieu a permis que ces choses-là existent. Il faut respecter la division et le kufr et le shirk, parce que Allah a permis que ces choses-là existent. Et bien entendu, c'est C'est absurde de penser des idées pareilles. Mais ça, c'est la croyance des soufis, des gens qui croient en Wahdatul Wujud, et des Jabriyah, et des Jahmiyah, qui disent que tout ce qui arrive dans l'univers, hein, Dieu l'aime et Dieu l'a voulu, et donc ils disent, nous sommes comme des feuilles dans le vent. Nous n'avons pas de volonté, nous sommes forcés de faire ce que nous faisons, et ils croient donc que de faire ça, c'est de se soumettre à la volonté de Dieu. Même quand ils font un péché, ils disent ça, c'est la volonté de Dieu. Et bien entendu, Dieu a interdit les péchés dans sa révélation. Donc, ils jouent avec la religion, ces gens-là. Et c'est très dangereux parce qu'ils jettent ces versets-là comme des choubouhats. Hein? Ils disent des versets et des choses qui sont des choubouhats à ce sujet-là. Et je suis en train d'écrire un petit texte en ce moment sur ce sujet-là, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, Inch'Allah, mais c'est juste pour vous montrer un exemple. Donc, le cheikh, il dit que leurs adorations ne sont pas valables, ne sont pas acceptées. Donc, même s'ils ont un bon caractère, même s'ils ont une piété en apparence, même si ce sont des gens qui sont honnêtes et tout, s'ils n'acceptent pas l'islam, toutes ces bonnes qualités-là qu'ils ont ne seront pas acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Hein, s'ils ont refusé d'accepter la foi en Allah seul et de croire au messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de croire en le Coran et la Sunna. Donc le cheikh il dit pourquoi leurs adorations ne sont pas acceptées, parce qu'elles sont établies sur leurs livres. Et qu'est-ce qu'il y a dans leurs livres? C'est soit une de ces deux choses-là, ou les deux ensemble, soit que ce soit des choses qui sont fausses parce qu'elles ont été falsifiées et déformées, ou soit ce sont des choses qui sont vraies mais qui ont été abrogées. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas les appeler réellement des adorations ou des pratiques religieuses acceptables dans l'islam. Et on n'a pas le droit de dire que l'islam reconnaît leur religion. Okay, comme eux ils le prétendent, comme les Ikhwan ils le prétendent. Mais Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné une possibilité de rester en vie et de payer la jizya. Ça c'est pour leur donner un délai, un repos, pour qu'ils puissent se repentir. Parmi eux, il y en a qui vont se repentir et qui vont revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et accepter la vérité. Et il y en a d'autres qui vont refuser ça, bien entendu, et Allah subhanahu wa ta'ala va les rassembler dans son châtiment au jour de la résurrection. Et le cheikh il mentionne le verset 1 et 2 dans sourate Al-Hijr. 1, 2, 3 dans sourate Al-Hijr. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset-là: Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabi wa qur'an mubin. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. Ces trois versets que le cheikh a mentionnés sont des versets qui ont une très grande signification pour celui qui connaît l'explication de ce verset-là. C'est-à-dire, Alif Lam Ra, voici les versets du livre et d'une lecture explicite. Le jour du jugement dernier, les mécréants voudraient avoir été musulmans. Laissez-les manger, jouir un temps et être distraits par l'espoir, car bientôt ils sauront. Donc ça veut dire, au jour de la résurrection, ces gens-là vont souhaiter qu'ils auraient été musulmans dans cette vie. Hein? Mais il sera trop tard, bien entendu, ce jour-là, pour faire des décisions ou prendre une décision. S'ils avaient eu le temps de réfléchir sur la terre et qu'ils avaient reçu le message clairement, ils avaient appris l'islam, ils n'ont pas d'excuse pour l'avoir rejeté. Et donc, ils vont être déçus ce jour-là et ils vont souhaiter qu'ils auraient été musulmans durant leur vie. Et même il y a certaines explications qui ont été rapportées, certaines atars, narrations qui ont été rapportées au sujet de ce verset-là dans son explication, c'est qu'il y aura certains musulmans qui vont rentrer en enfer à cause de certains péchés qu'ils ont faits. Bien entendu, on sait que quiconque a été épargné du shirk, hein, et n'a pas fait de kufr ou de shirk majeur, même s'il entre dans l'enfer, il ne va pas rester éternellement en enfer. Il va sortir de l'enfer après un certain temps. Donc, lorsque ces musulmans-là qui ont fait des péchés vont être en enfer, ils vont voir des koufars et des mushrikines qui sont rassemblés avec eux, et ils vont dire aux musulmans, mais à quoi ça vous a servi d'être musulman dans la vie et d'avoir cru en votre religion, et vous voilà maintenant réunis avec nous dans l'enfer. Donc, pourquoi vous avez, à quoi ça vous a servi d'avoir été musulman? Et puis, bien entendu, les musulmans dans l'enfer, on les reconnaît par certains signes, comme par exemple la marque de la les marques de prosternation. Hein? Les marques de prosternation ne peuvent pas être mangées par le feu. Donc, on reconnaît les musulmans dans l'enfer par ces signes-là. Donc, les mouchriquins posent la question aux musulmans, mais pourquoi, à quoi ça vous a servi? Regardez, vous êtes à la même place que nous maintenant dans l'enfer. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala les fait sortir de l'enfer pour les rentrer au paradis. Et ce jour-là, les koufars vont avoir des remords et des regrets de ne pas avoir été musulmans dans cette vie. Hein? Donc ça c'est une explication de ce verset-là, et il y a d'autres explications qui montrent que ça se passe aussi, cette situation-là se passe également au jour de la résurrection. Au jour de la résurrection. Donc ça c'est un verset pour faire comprendre que l'islam n'accepte pas autre que l'islam. Même si on permet aux juifs et aux chrétiens de pratiquer leur religion, et selon certaines explications également, certains ulama ont dit que même les majus aussi rentrent dans cette exception-là, ils peuvent pratiquer leur religion. Ça ne veut pas dire qu'on l'accepte et que leurs religions sont valables. Donc, cher, il dit maintenant, on va retourner à la lettre que j'ai reçue de mon ami qui comprenait les paroles de ce correspondant anonyme qui voulait me donner cette nasiha. Donc, il revient maintenant à la lettre du départ. Et il dit, Faslun, Amma qawluhu, inna jami, inna l'shaykh, makanatan kabiratan fi qulubina, nahnu shabab, wa kadhalika fi qulub al-amma, bi'atibarihi faqihan muhaddithan muftiyan, atahu Allah min al-ilmi, ma ya'lamuhu al-jami'. أقول أولا إني أحمد الله على ما وفق وأنعم وأشكره على ما هدى وعلم ويسر سبل العلم والفهم فله الحمد على كل ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه سهل لنا سبل الهداية والدراية ووفقنا للدأب في التحصيل والعناية وإن كنت ألوم نفسي على الكسل والقصور والتقصير عن بلوغ الغاية وأسأله أن يثبتني على الحق حتى ألقاه وأن يجعل عملي خالصا لوجهه خاليا من الشوائب والمحبطات نقيا من الرياء والعجب وجميع الآفات. Donc le cheikh il cite une partie de la lettre de la personne en question, il dit, en ce qui concerne sa parole, lorsqu'il dit, le cheikh a une importance très grande dans nos cœurs. Il a une place très grande dans nos cœurs, nous les jeunes. Et de même que dans le cœur des gens en général, du fait qu'il est un grand savant de fiqh, de hadith, et c'est un mufti, qui donne le verdict de l'islam au sujet des différentes choses, et Allah lui a donné la science. Il lui a donné la connaissance de l'islam que tout le monde sait. C'est-à-dire, tout le monde sait ça à son sujet. Et tout le monde est au courant de ça à son sujet. Donc, le cheikh, il répond à ça et il donne un commentaire pour commencer. Il dit, je dis, premièrement, je glorifie Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce qu'il m'a donné comme réussite et, ou bien comme... comme grâce, et je le remercie pour toute la guidance et la science qu'il nous a donné et qu'il nous a facilité les voies vers la science et la compréhension. Donc, c'est à lui qu'appartient la louange pour toutes ces choses-là, d'une grande et d'une bonne et d'une louange bénie, dans laquelle il y a une bénédiction. Et du fait qu'il nous a facilité pour nous la voie vers la guidance et la connaissance, et il nous a donné le succès d'avoir pu apprendre cette religion-là et de nous occuper de cette religion-là et de travailler pour cette religion-là, ainsi de suite. Même si, le cheikh il dit, malgré que je me blâme moi-même pour la paresse et pour les manquements et les limites que j'ai eues dans les objectifs que j'avais pour atteindre dans la connaissance, ainsi de suite. Mais je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il me raffermisse sur la vérité jusqu'à ce que je le rencontre et qu'il fasse que mes actions soient purement et sincèrement pour son visage et qu'elles soient exemptes de toute forme de choses qui pourraient les annuler ou les diminuer ou les rendre imparfaites et pour que mes actions également soient purifiées de toute forme c'est-à-dire de faire des actes avec ostentation ou de me glorifier moi-même ou d'être ébloui par moi-même, de m'aimer moi-même en fait, et de tout autre défaut que mes actions pourraient contenir. Donc je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me protéger de toutes ces choses-là et que mes actions soient exemptes de ce genre de choses. Ensuite, le cheikh il dit deuxièmement, ثانياً, إذا كنتم تعلمون أن هذا الذي تخاطبونه وتريدون أن تثنوه عن النصيحة أعلم منكم علما وأفقه منكم فقها وجميع أهل مجتمعكم يعودون إليه ويأخذون بفتواه فلما تطلبون منه أن يسكت عن بيان ما في تلك المناهج الباطلة من أوجه البطلان أتأمنون أنكم ربما تعاقبون على ذلك لأنكم ستكونون في عداد من يصدون عن سبيل الله. Aïe, non. Donc, le cheikh il dit dans le point numéro 2, vous savez que la personne à qui vous vous adressez, c'est-à-dire le cheikh, et auquel vous voulez le glorifier ou lui dire lui faire des éloges pour qu'il cesse de donner la nasiha, vous essayez de lui, parce que souvent c'est ça qu'on fait à certaines personnes pour les égarer. Parfois on essaie de leur faire des louanges et de leur faire des éloges, on leur dit, ah, mashallah, vous avez beaucoup de science, vous avez beaucoup de compréhension, vous avez beaucoup de connaissances, pour lui monter la tête, pour lui faire grossir la tête, comme on dit. Et puis la personne, par la suite, elle est tellement contente de se faire glorifier par les gens qu'elle commence par la suite à vouloir faire plaisir aux gens et leur donner des verdicts qui va les réjouir, les faire que les gens l'aiment, comme certains de ces gens-là justement qui malheureusement répondent à des fatwas dans le but de faire plaisir à la masse, et de leur dire ce qu'ils veulent entendre pour que les gens les aiment. Ah, ce cheikh il est bon, il nous permet de faire ce qu'on veut faire. A'udhu billah, ça c'est des formes de talbis et des formes de tentation de la part des gens d'égarement qui veulent même essayer d'égarer même les gens de science en les glorifiant de cette façon-là pour les faire taire. Et donc le cheikh il dit, si vous savez que la personne à qui vous vous adressez a plus de connaissances que vous, et a plus de compréhension que vous, et que les gens de toute la société où vous êtes retournent vers lui pour lui demander des questions sur la religion et des fatwas, des verdicts sur la religion, alors pourquoi dans ce cas-là vous lui demandez de se taire dans la clarification de ces méthodologies qui sont fausses? Sur plusieurs points de vue, elles ont plein de faussetés. Donc pourquoi vous voulez de lui, vous lui demandez de se taire à ce sujet au sujet de ces choses-là? Le cheikh il dit, est-ce que vous ne craignez pas qu'en lui demandant de se taire de cette façon, vous n'allez pas être parmi ceux qui vont mériter un châtiment d'Allah? Ne craignez-vous pas que vous allez être parmi ceux qui ont obstrué le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala en essayant de le faire taire et de lui dire de ne pas donner la nasiha? Le point numéro 3, par la suite, il dit, إن عليكم أن تعودوا إلى قوله وفتواه هو وغيره من العلماء من علماء المنطقة وتترك ما أنتم عليه من الحزبيات. Troisièmement, le cheikh dit, qu'est-ce que vous devez faire en ce qui vous concerne, c'est de revenir à sa fatwa et à sa parole. À sa parole à lui, ou à la parole d'autres parmi les ulama de la région. Et d'abandonner ce que vous suivez comme partisantisme et comme groupe. Hein. Et ensuite, il dit comme point numéro 4, تأملوا قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وإذا كنتم قد أشكل عليكم أمر هذه الحزبيات أليس كان من الواجب عليكم أن تعودوا في معرفة ما احتوت عليه إلى علماء بلدكم فإن قنعتم قبول فإن قنعتم بقول علماء بلدكم لأنهم أكبر منكم سنا وأكثر منكم علما وأطول منكم ممارسة لعلوم الشريعة وأقعد منكم بمعرفة ما يناقضها فالحمد لله وإلا رجعتم إلى كبار العلماء في المملكة وأخذتم بقولهم وفتواهم. Donc le cheikh il dit, méditez sur la signification de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 43 dans sourate An-Nahl. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et demandez aux gens de la science, aux gens du dhikr, si vous ne savez pas. C'est-à-dire, demandez à ceux qui savent, si vous ne savez pas. Donc, si vous avez des choses qui vous tiennent dans la confusion, si vous êtes confus, vous avez des problèmes au sujet de ces questions de groupe et de parti islamiste. N'est-ce pas que c'est de votre obligation de retourner aux savants pour leur demander et pour connaître et pour comprendre ce que ces groupes contiennent d'erreurs et de problèmes que vous devez, n'est-ce pas que vous devez et que c'est obligatoire pour vous de retourner à vos savants pour leur demander au sujet de ces groupes pour qu'ils clarifient pour vous. Et si vous êtes convaincu de la parole de vos ulama, parce qu'ils sont plus vieux que vous, ils ont plus de connaissances que vous, ils ont plus d'expérience dans la pratique des sciences de la charia que vous, et ils ont également plus de connaissances et de compréhension de ce qui s'oppose à cette charia également. Alors, alhamdoulilah si vous êtes convaincu dans ce sens-là. Sinon, vous pouvez retourner aux autres grands savants de votre pays, de l'Arabie Saoudite, pour leur demander leur fatwa et leur position à ce sujet-là. Le point numéro 5. اعلموا أن الله عز وجل حينما أمركم أن تسألوا أهل العلم تضمن هذا أمره تضمن أمره هذا شيئا يخص مسؤولي المسؤولين فهو أن يجب عليهم أن يبينوا الحق وقبل أن يقولوا يتبينوه بالبحث والتحقيق منه وثانيا أن يقولوا الحق لا يحيدون عنه يمنة ولا يسرة امتثالا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين ولا قربين وأما الشيء الذي يخص السائلين فهو أنه يجب عليهم أن يبينوا بقولهم المؤيد بالدليل فإن تركوه بعدما علموه فإنهم يستحقون بذلك من الله ثم من عباده المؤمنين الذم والعقوبة قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Le cheikh dit, cinquièmement, sachez que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il vous a ordonné de demander aux gens de la science des choses sur la religion, sachez que ça ce commandement-là implique deux choses. Première chose, au sujet des gens qui sont questionnés, c'est-à-dire que leur devoir, c'est-à-dire les savants, leur devoir à eux, c'est de clarifier la vérité pour les gens. Une fois qu'ils l'ont bien recherché, qu'ils l'ont bien vérifié, qu'ils ont fait des recherches et qu'ils ont essayé de comprendre et de connaître la question comme il faut, c'est de leur devoir de clarifier pour les gens la vérité. Et également de dire la vérité et de ne pas s'en détourner ni à gauche ni à droite. Et ça, c'est en prenant en considération la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 135 dans Sourate An-Nisa. Ô vous qui avez cru, soyez des témoins, soyez fermes et rigoureux dans la justice, témoins envers Allah subhanahu wa ta'ala ou témoins devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, ô vous qui avez cru, faites preuve de vigorosité, faites preuve de vigueur plutôt dans votre témoignage. Lorsque vous faites un témoignage, faites en sorte que ce témoignage-là il soit fait avec toute justice. Hein? C'est-à-dire que vous essayez de dire un verdict ou une parole ou un témoignage qui va être basé sur la justice, c'est-à-dire qui va être fait avec connaissance et qui va être fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, même si ce témoignage-là est contre vous-même ou contre vos parents ou vos proches même. Et donc ça, c'est pour dire que si quelqu'un te demande quelque chose sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ou demande à un savant sur une question dans la religion, il est obligé de répondre et de dire la vérité à ce sujet-là. Même si cette réponse va impliquer que même si le verdict qu'il va dire ou la parole qu'il va dire va être un témoignage contre lui-même. C'est-à-dire, même si ce verdict qu'il va donner, qui vient d'Allah et de son messager, vont dévoiler que la personne est en contradiction avec ce verdict. C'est-à-dire, même si ce verdict-là est contre toi, tu es obligé de le dire. Même si tu risques des problèmes en expliquant ce verdict, hein, tu dois l'expliquer puisque ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il faut dire la vérité et pas la déformer. Surtout si ça risque d'induire en erreur plein d'autres personnes qui sont ignorants et qui ont besoin de la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la compréhension d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour éviter justement que les gens tombent dans l'égarement au sujet des questions religieuses. Et si vous retournez au tafsir de ce verset, dans Tafsir ibn Kathir, vous allez voir tout ce que ça implique. Ce verset, c'est vraiment incroyable. Parce qu'il y a des gens qui vont cacher un témoignage parce que le verdict est contre eux. Ou qui vont cacher un témoignage parce que le verdict est contre leurs parents. Ou contre un proche, hein, et ou bien qu'ils vont faire des distinctions dans leur verdict ou dans leur témoignage par rapport au statut ou au statut social de la personne contre qui ils témoignent. Donc tout ça, c'est des points que Allah subhanahu wa ta'ala nous explique dans ce verset-là pour nous dire ne faites pas de faux témoignages, ne déformez pas la réalité lorsque vous dites des choses à propos d'Allah et de sa religion en premier. Ça, c'est la première importance. Puis, en plus de ça également, lorsque vous faites des témoignages au sujet des autres individus, que ce soit des musulmans ou des non-musulmans, que ce soit des koufars ou des mu'minines, vous devez dire la vérité et être honnête et être véridique. Le cheikh, il dit « Amma shay alladhi yakhussu as-sa'ilin fa huwa annahu yajibu alayhim » أن يأخذوا بقولهم المؤيد بالدليل فإن تركوه بعدما علموه فإنهم يستحقون بذلك من الله ثم من عباده المؤمنين الذنب والعقوبة. قال الله تعالى. Donc le cheikh il dit, donc ça c'est la partie qui est obligatoire pour les savants. Qu'est-ce qu'ils doivent respecter, c'est de dire la vérité et de clarifier la vérité. Et de l'autre point de vue, il y a l'aspect de la personne qui pose la question. Et ça, c'est très très important aussi. Parce que de notre côté, on remarque qu'il y a beaucoup de problèmes à ce sujet-là, que les gens qui posent les questions parfois ne prennent pas, ils ne font pas attention. Hein? Déjà, le cheikh il s'attarde pas déjà en détail là-dessus, mais c'est juste pour dire, faites attention quand vous posez vos questions, de poser les questions de façon honnête et de façon correcte. Ça c'est de un. Et de demander des questions à ceux qui sont aptes à répondre et non pas à n'importe qui. Parce que des fois, il y a des gens qui posent des questions très très compliquées ou des choses qui sont très sérieuses, très très très graves. Ils les posent à un simple talib ilm et ils lui demandent des questions sur différentes choses religieuses qui sont dépassées, qui dépassent son niveau de science et de connaissance et de compréhension de l'islam. Donc, quand vous avez des questions compliquées comme ça, ne les posez pas à des tulab ilm. Retournez aux ulama. Retournez aux savants, aux grands savants. C'est eux qui vont pouvoir vous répondre à ce sujet-là. Donc le cheikh, il dit, en ce qui concerne les questions qui posent, l'aspect ou la partie de la personne qui pose la question, c'est obligatoire pour lui de prendre la parole des ulama lorsqu'elle est supportée par des preuves, des adillah. Hein? Et de laisser tomber de laisser tomber ces paroles-là si elles ne sont pas données par des ulama ou bien si elles ne sont pas supportées par des preuves. Bien entendu, mais si une fois que tu as reçu une fatwa des ulama de l'islam qui sont basés sur des preuves et de la connaissance et que ce sont des grands ulama de l'islam, si tu as reçu cette réponse des ulama, après que tu aies eu la connaissance, tu l'abandonnes par la suite, alors dans ce cas-là, tu vas mériter un châtiment d'Allah et le blâme d'Allah et des croyants. Le cheikh, il dit par la suite, le verset 3 dans Surat Al-A'raf, suivez ce qui a été révélé pour vous de votre Seigneur et ne suivez pas ce qui est en dehors, ne suivez pas ce qui est en dehors de sa révélation. Prenez pas d'autres références en dehors de sa révélation pour savoir la guidance, suivez ce qui vient d'Allah et ce qui a été révélé d'Allah dans le Coran et dans la Sunna. Et vous ne vous rappelez que peu de ce que Allah vous ordonne. Qalilan ma tadhakkarun. Comme vous vous souvenez peu. Et c'est pour expliquer ce principe-là. Le point numéro 6, le cheikh il dit: وها أنتم قد عرفتم أن تلك المناهج قد احتوت على باطل كثير في الأصول والفروع فهل أنتم راجعون إلى الحق وعملون به أم ماذا؟ Donc le cheikh il dit maintenant comme sixième point, vous avez su maintenant que ces différents groupes que vous suivez ils possèdent toutes sortes d'erreurs et de grandes faussetés dans leur fondement et dans leur branches également, dans les embranchements de des principes qu'ils ont extraits de ces fondements qui sont faux. Alors, est-ce que vous savez maintenant, une fois que vous savez ça, maintenant, est-ce que vous allez revenir à la vérité et suivre la vérité, ou bien vous allez continuer encore à suivre ces groupes? Parce qu'on a fait la clarification de certaines des erreurs maintenant qui sont impardonnables, qui sont inexcusables, que si quelqu'un avait une de ces erreurs-là, on ne devrait plus l'écouter ni le suivre par rapport à ce qu'il dit ou fait qui a rapport avec l'islam. Et qu'est-ce qu'on remarque maintenant aujourd'hui, c'est ça, c'est que de la part des Hizbiyyins, toutes les erreurs sont excusables. Il n'y a rien de grave avec eux. C'est ça ce qu'on a remarqué. Il n'y a rien de grave pour eux de la part de ces gens-là qui parlent au sujet de l'islam, peu importe qu'est-ce qu'ils font. Et on remarque ça de leur part. Ils peuvent dire des choses contraires à l'islam. Ils peuvent dire des choses contraires au Coran. Ils peuvent mentir sur Allah, mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mentir sur la charia. Et personne ne dit rien. Et tout le monde continue à les écouter, à les suivre et à les aimer, comme si rien n'était. Alors dans ce cas-là, où est-ce qu'elle est l'amour pour Allah et la haine pour Allah? Où est-ce qu'elle est l'amour pour la vérité et le fait de s'aimer en la vérité et de suivre la vérité? Et est-ce que ça veut dire que n'importe qui peut dire ce qu'il veut, peu importe, du moment qu'il est dans un groupe et qu'il suit un groupe et qu'il prétend dire des choses au nom de l'islam et au nom d'Allah et de son messager, que par la suite on peut accepter tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit par la suite? Non, donc ça c'est un point très important. Et le point numéro 7. فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ الْحِزْبِيَّةَ قَدْ أَصَمَّتْكُمْ وَأَعْمَتْ أَبْصَارَكُمْ وَأَصَمَّتْ أَسْمَعَكُمْ عن سماع الحق وسماع قبول عن سماع الحق سماع قبول وأعمت بصائركم عن رؤيته واعلموا أنه لا يفيدكم من هذه الورطة إلا أن تعودوا إلى الله عز وجل بجد وتلجئوا إليه بإخلاص وأن يصبركم وأن يبصركم الحق ويوفقكم للعودة إليه فاغتنموا الحياة قبل فوات الأوان. Donc le cheikh il dit comme point numéro 7, et c'est le dernier point, il dit: et si vous refusez après que vous ayez eu la connaissance de revenir sur votre position au sujet de ces groupes, alors sachez que ça veut dire une chose seulement, ça veut dire qu'on vous a, que vous êtes devenu sourd et que vous êtes devenu aveugle. Ça veut dire que la bid'a et vos passions vous ont fait devenir sourd, vous ont bouché les oreilles. Et ces passions vous ont aveuglé. Cette passion vous a fermé les oreilles, vous n'êtes plus capable d'entendre la vérité. Et vous a aveuglé parce que vous n'êtes plus capable de voir non plus la vérité. Donc, sachez que il n'y a rien qui va pouvoir vous sauver de ce problème et de ce malheur dans lequel vous êtes, excepté la repentance à Allah subhanahu wa ta'ala avec une intention sérieuse, et de vous diriger et de vous retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité, pour, en lui demandant de vous redonner la vision de la vérité, hein, pour que vous soyez capable de voir encore qu'est-ce qui est vrai, et qu'il vous donne le succès de pouvoir y retourner à cette vérité. Et donc, saisissez cette opportunité que vous avez durant votre vie avant qu'il soit trop tard et que la mort vous attrape. Hein? Donc, ça c'est un point à ce sujet-là. Ensuite, le cheikh il dit: « Amma qawlukum, illa annahu luhidha alayhi fil fatratil akhira كثرة تركيزه على أسلوب الحديث عن الجماعات والأحزاب وما إلى ذلك مما لا يستفيد منه الشباب ولا يفهمه كثير منهم ولا من العامة. Le cheikh il dit dans ce point là maintenant, il continue encore à mentionner des passages de la lettre de la personne qui lui a écrit, l'anonyme, la personne anonyme qui l'a contacté. Donc il dit ici: on a remarqué de la part du cheikh que dernièrement il se concentre beaucoup sur la critique des groupes et des partis islamiques, et ça c'est quelque chose qui n'amène rien d'utile, rien de bien aux jeunes, et ils ne comprennent, la plupart d'entre eux ils ne comprennent pas ces choses-là, ces questions de groupe et de parti-là, et de même que les musulmans ordinaires, ils ne connaissent pas ces choses-là, ils ne les comprennent pas. Donc ça, c'était le point, ou un des points que cette personne anonyme a envoyé au cheikh, ou a dit au cheikh pour essayer de le décourager, de donner la nasiha, en voulant dire: écoutez, le cheikh, il a cessé maintenant il a commencé maintenant à critiquer beaucoup les jamaats et les groupes et tout. Et les jeunes, ça leur donne à rien de savoir, ça leur donne rien de savoir ces choses-là sur la religion. Hein? Et ils comprennent rien là-dedans, de toute façon. De même que les musulmans ordinaires, ils connaissent pas ces choses-là, ils connaissent rien là-dedans. Parlez-leur seulement des autres choses. Hein? Et ça, on me l'a dit à moi, Allah al-Musta'an, combien de fois quand j'étais à la mosquée? Parle des musulmans des choses qu'ils comprennent. Ne leur dis pas des choses au sujet de ces question de jama'at et de groupe, ainsi de suite. Parle pas aux musulmans des fondements de l'aqida et des principes de l'aqida. Parle aux musulmans seulement des choses qui ont rapport avec, des choses que tout le monde connaisse. Hein, fais-leur juste des rappels comme ça. Et le cheikh, on va voir ce qu'il dit à ce sujet-là. On va voir la réponse du cheikh à ce sujet-là. Et on va voir que, en écoutant ça et en comprenant ça, on va voir que, alhamdoulilah, le cheikh a vraiment bien clarifié l'attitude à avoir vis-à-vis des gens qui nous disent des choses pareilles. Donc, le cheikh, il dit, « Aqul, wa man ladhi yadhirukum an yatatawwa' ba'd ikhwanikum bi bayan al-haqq liman la ya'rifu. Alaysa hadha min al-amr bil ma'ruf wal nahy 'an al-munkar alladhi amara Allah jalla wa 'ala bihi 'ibadahu al-mu'minin wa wasafahum bihi wa athna 'alayhim wa madahahum bihi fi qawlihi kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'an al-munkar wa tu'minuna billah aturiduna an tusakkitu al-amirina bil ma'ruf wal nahyina 'an al-haqq والناهين عن المنكر أتريدون أن تسكتوا الأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أتأمنون أن يعاقبكم الله على ذلك عقابا تتمنون منه أن لو تكونوا أطعتموهم وتذكروا قول الله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا مما أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين ومعنى هذه الآية أن النجاة لم تكتب إلا للبقية من أهل الخير على وعلى قلتهم إلا للبقية من أهل الخير على قلتهم بسبب كونهم ينهون عن الفساد في الأرض. Donc ici le cheikh il explique, il dit qu'est-ce que ça peut vous nuire que quelques-uns parmi vos frères s'offrent comme bénévoles pour Allah subhanahu wa ta'ala, comme personnes qui travaillent volontairement et bénévolement, d'une façon de parler on peut dire ça, puisqu'ils travaillent comme bénévoles pour Allah subhanahu wa ta'ala sans salaire, qu'est-ce que ça peut vous nuire que certains de vos frères se prennent cette responsabilité de clarifier la vérité à celui qui ne la connaît pas. N'est-ce pas que ça fait partie d'ordonner le bien et d'interdire le mal que Allah a ordonné, Allah a ordonné à ses serviteurs de faire ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les gens qui font ça par les belles descriptions et par les meilleures descriptions, et il les a glorifiés et a dit du bien d'eux. Comme par exemple, qu'est-ce qu'il dit à leur sujet dans le verset 110 dans Sourate Al-Imran? Il dit, vous êtes la meilleure nation qui est venue pour les hommes. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous voulez faire taire les gens qui ordonnent le bien et qui interdisent le mal? Est-ce que vous ne craignez pas qu'en faisant une chose pareille, Allah vous punisse, et que vous souhaitiez, après avoir eu ce châtiment d'Allah, que vous auriez été parmi ceux qui ont obéi à ces savants qui ordonnent le bien et qui interdisent le mal? Et souvenez-vous, le cheikh il dit, et souvenez-vous du verset dans le Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il parle justement de ces gens-là qui ont été châtiés et punis par Allah subhanahu wa ta'ala dans les nations qui ont précédé les musulmans. Qu'est-ce qui est arrivé à ceux d'entre eux qui n'ont pas ordonné le bien et interdit le mal? Donc dans le verset 116 dans Sourate Hud, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne justement un point à ce sujet-là. Il dit, si seulement il existait dans les générations d'avant vous des gens vertueux qui interdisent la corruption sur terre, hélas, il n'y en avait qu'un petit nombre que nous sauvâmes, alors que les injustes qui persistaient dans le luxe exagéré dans lequel ils vivaient, et ils étaient des criminels, ceux-là ont été châtiés. C'est-à-dire qu'il y avait un petit nombre qui ont été sauvés par Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils ordonnaient le bien et interdisaient le mal. Toutefois, le reste d'entre eux, parmi les gens de cette société qui vivaient dans le luxe et dans dans l'extravagance et dans la transgression, ceux-là ont été châtiés, n'ont pas été épargnés. Donc, est-ce que vous voulez faire partie? De quel groupe d'entre ces gens-là vous voulez faire partie? De ceux qui ont été sauvés ou de ceux qui ont refusé de reconnaître qu'il faut ordonner le bien et interdire le mal? Le cheikh, il dit que la signification de ce verset-là, c'est que le salut n'a pas été écrit excepté pour ceux qui ont été parmi les gens du bien. Hein? Même s'ils étaient peu nombreux, hein? Parce qu'ils ont fait l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. Ils ont interdit la corruption sur la terre. Et à cause de ça, ils ont été sauvés. Donc ça, c'est très important de comprendre que c'est une obligation. Ensuite, le cheikh, il donne le tafsir de ce verset-là. « قال الشيخ السعدي في تفسيره في تفسير هذه الآية لما ذكر الله تعالى إهلاك الأمم المكذبة للرسل » En passant, je voulais juste vous dire, parce qu'il y a des khawarij qui rentrent dans les salles parfois, parmi les jeunes bid'a et le dalal, qui rentrent dans les salles où on donne des duros et qui distribuent aux gens des liens ou des trucs à consulter par la suite. Et ce sont des liens qui amènent vers les sites de takfir et des sites des khawarij, des gens de dalal, comme le site Al-Ribat ou d'autres sites. Hein, comme ça, ribat.org, c'est des groupes de takfiriyin et de jihadi et des takfiriyin. Et je me demande, Allah al-Musta'an, comment ces sites-là sont permis d'exister vraiment, des gens qui font l'éloge de Bin Laden et de Sayyid Qutb et de Zawahiri et des autres égarés. comment les autorités acceptent de laisser ces sites exister? Et ils prétendent qu'ils sont contre le terrorisme, alors qu'ils laissent des gens ouvrir des sites qui font l'éloge du terrorisme et l'éloge de ces personnages qui sont derrière ces actes de terrorisme. Ça, c'est des questions qu'on doit se poser, Yanni. Comment ces gens-là acceptent de laisser ouvrir, que les gens ouvrent des sites pareils? Et après, ils disent qu'ils sont contre le terrorisme. Nas'alullah al-afiyah. Hein? Donc c'est vraiment grave, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous préserve de l'égarement de ces gens-là. Et donc je vous mets en garde en réalité contre ces genres de sites, ces genres de personnages qui rentrent dans les salles pendant qu'on donne des duros et qui distribuent aux gens ce genre de sites et ce genre de liens vers l'égarement. Qu'Allah nous protège de ces gens-là, de dalal, de khawarij, kilab, ahl al-nar, les chiens de l'enfer comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits. Donc le cheikh il dit à propos du tafsir. قال الشيخ السعدي في تفسير هذه الآية لما ذكر الله تعالى إهلاك الأمم المكذبة للرسل وأن أكثرهم منحرفون عن أهل الكتب الإلهية وذلك يقضي على الأديان بالذهاب والإضمحلال ذكر أنه لولا أنه جعل في القرون الماضية بقايا من أهل الخير يدعون إلى الهدى وينهون عن الفساد والردى فحصل من نفعهم ما أبقيت به الأديان ولكنهم قليلون جدا وغاية الأمر أنهم نجوا باتباعهم المرسلين وقيامهم بما قاموا به بكون حجة الله أجراها على أيديهم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة إلى أن قال وفي هذا حث لهذه الأمة أن يكون فيهم بقايا مصلحون لما أفسد الناس قائمون بدين الله يدعون من ضل إلى الهدى ويبصرون منهم على الأذى ويصبرون ويبصرونهم من العمى وفي هذه الحالة أعلى حالة يرغب فيها الراغبون وصاحبها يكون إماما في الدين إذ جعل علمه خالصا لله رب العالمين سبحان الله. Donc le cheikh il dit que l'imam al-Sa'di dans son tafsir il dit, lorsque Allah il a mentionné les peuples précédents, parmi les nations précédentes qui ont traité les messagers de mensonges, il a mentionné comment ces nations et ces peuples ont péri du fait qu'ils ont traité de mensonges leurs messagers. Et la plupart d'entre eux, c'était des gens qui sont sur des déviations parmi les livres qui ont été révélés précédents. Hein? Et donc, on sait que c'est quelque chose qui vient détruire les religions et qui vient les anéantir, hein, du fait que lorsque les gens cessent de les appliquer, hein, ils cessent d'ordonner le bien et d'interdire le mal, ça c'est quelque chose qui amène à la destruction des religions. Le cheikh il dit, et وذكر انه لولا انه جعل في القرون الماضيه اي si ce n'était Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ce verset que si ce n'était pas que Allah avait placé dans les peuples et dans les nations précédentes quelques restes parmi les gens de bien qui ordonnent la guidance et qui interdisent la corruption, hein, s'il n'avait pas laissé ce petit groupe là il n'y aurait pas eu de religion qui serait restée. Et grâce à ce petit groupe là qui sont restés sur la vérité et qui ont ordonné le bien et qui ont interdit le mal, eh bien il y a eu un bienfait qui est venu de leur part, même s'ils sont un très petit nombre. Donc c'est ça aujourd'hui quand vous entendez par exemple des gens qui disent « Ah mais de toute façon les musulmans, les salafis, ils ne sont qu'un petit nombre, ils ne sont qu'une minorité infime de la communauté musulmane, ainsi de suite. » Ça c'est pour faire comprendre par exemple pour les koufars que la vérité est proportionnelle au nombre de personnes qui la suivent. Et donc pour eux, qu'est-ce qui est vrai dans l'islam, c'est qu'est-ce qui est suivi et accepté par la majorité, dans le sens que si la majorité des musulmans désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala dans certaines questions ou rejettent certains aspects de l'islam, dans ce cas-là, pour eux, ça c'est une preuve que qu'est-ce que la majorité fait, c'est ça, c'est ce qui est vrai. Donc si la majorité des musulmans ne font pas la salat, si la majorité des musulmans des femmes ne portent pas le djilbab et le hijab shari, et si la majorité des musulmans ne lisent pas le Coran, ainsi de suite, donc ils disent mais c'est ça les vrais musulmans. Et les musulmans qui veulent respecter tous ces détails de la religion et tous ces principes de la religion, hein, qui sont pour eux des détails, donc ils vont dire ah mais ceux-là sont des petits groupes qui sont extrémistes, hein. Et on sait très bien que c'est pas vrai, puisqu'on voit ici que Allah il nous dit qu'il y a toujours un petit groupe parmi les croyants qui reste sur la vérité et qui appelle les autres au bien et qui interdisent aux autres le mal, et que c'est grâce à ce petit groupe là que le bien peut rester dans le monde, et que s'il n'y avait pas ce petit groupe, tout le reste y passerait, hein. Et donc le cheikh, c'est ce qu'il dit. Il dit par la suite que le point et le but de cette explication qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans ce verset-là, c'est que ceux-là, ce petit groupe-là, ils ont été épargnés par Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils ont suivi les messagers et qu'ils ont établi, ils sont restés fermes sur la religion. Et donc, ils sont devenus la preuve d'Allah. Ils sont devenus comme une preuve d'Allah pour les autres. Contre les autres également. Allah, il a établi la preuve sur les autres par ce petit groupe-là, pour que celui qui périsse avec connaissance de cause, et celui qui reste sur la guidance et qui vit à cause de la foi, va vivre sur la preuve et sur l'évidence. Hein? Il n'aura plus d'excuses par la suite. Celui qui a suivi la vérité, il saura qu'il l'a suivi avec preuve. Et celui qui a suivi l'égarement et qui a été égaré, qui a suivi ses passions, il n'aura plus d'excuses parce que la preuve a été clarifiée. À cause de ce petit groupe qui ordonne aux autres le bien et qui leur interdisent le mal. Hein? Et c'est pour que celui qui périsse donc, périsse avec preuve, et celui qui reste sur la guidance, suive la guidance avec preuve, et jusqu'à ce qu'il dise par la suite. Et ça c'est un appel et une incitation à cette Ummah de rester ferme sur la religion d'Allah, et qu'il y ait parmi eux un groupe qui demeure ferme sur la réforme et qui continue à ordonner le bien, à corriger les autres et à corriger ce que les autres ont corrompu de la religion et de la société. Hein, un petit groupe qui reste ferme sur l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal et la clarification de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui appelle ceux qui se sont égarés à la guidance, qui appelle à faire voir, hein, ceux qui ont été aveuglés, et qui font preuve d'endurance et de patience à propos de toutes les nuisances et les difficultés qu'ils reçoivent de la part des gens qui appellent à l'égarement. Et dans une état pareil, les gens qui restent fermes sur la religion et qui aiment cette vérité et qui appellent à cette vérité, Allah subhanahu wa ta'ala fait d'eux des exemples et des guides dans la religion, et il les élève parce qu'ils ont mis leur confiance en Allah et qu'ils ont fait ces actions et qu'ils ont ordonné le bien et interdit le mal uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, sincèrement et purement, avec ikhlas, khalisan lillahi rabbil alamin. Ils n'ont pas fait ça pour rien d'autre que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et donc ça, c'est très important à comprendre. Le cheikh, il dit: sami'tum ma qalahu hadha al-imam fi tafsir hadhihi al-aya. Donc, il faut pas être étonné. C'est vrai que la umma de l'islam, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis dans cette umma beaucoup de bien. Et le bien dans cette umma, il est généralisé, il est grand. Alhamdulillah, les gens de la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont parmi les meilleurs oumams qui sont jamais venus sur la terre. Parce que, en général, ils voient la vérité et ils l'aiment et ils l'acceptent. Hein? Alhamdulillah. Mais il peut y arriver parfois que la vérité, elle est plus difficile à comprendre ou à voir, et que certains d'entre les individus qui composent cette umma soient aveuglés ou égarés dans certaines questions religieuses ou dans certaines pratiques. Et donc, c'est le devoir des ulama et des gens de la vérité de se tenir ferme sur l'islam et de clarifier pour les autres la vérité. Ensuite, le cheikh, il dit: سمعتم ما قاله هذا الإمام في تفسير هذه الآية وإذا كنتم لا تريدون أن تقوموا أنتم بهذه الحجة ولا تريدون أحدا يقوم بها فما هو حالكم وعلى أي شيء نحملكم فإن قلتم نحن نشتغل بالدعوة فقلنا هذا حسن ولكن على منهج من تشتغلون بالدعوة فإن كنتم تشتغلون بالدعوة على منهج النبي صلى الله عليه وسلم فنحن والله الذي لا إله إلا هو نفرح بكم وندعو لكم وإن كنتم تشتغلون بالدعوة على بعض المناهج المخالفة التي ننصحكم منها وهذا ما يدل عليه قولكم هذا فنحن والله نأسف لذلك ولا نملك إلا أن نقول اللهم رد إخواننا إلى الحق ردا جميلا وأعدهم إلى الصواب عودا حميدا. Donc le cheikh, il dit, et si vous avez entendu les paroles de cet imam dans ce tafsir, l'imam Sa'di, lorsqu'il explique ce verset, est-ce que vous voulez faire partie de ceux qui établissent cette preuve, hein? Ou bien est-ce que c'est que vous ne voulez pas établir vous-même cette preuve et vous ne voulez pas que d'autres personnes également établissent cette preuve non plus? Alors dans ce cas-là, c'est quoi votre... comment on peut décrire votre situation, votre état, si vous êtes dans cette attitude ou si vous avez ce comportement-là? Vous ne voulez pas expliquer vous-même les choses et clarifier et établir la preuve? Et vous ne voulez pas non plus que les autres musulmans et les ulama clarifient la preuve et la vérité. Alors, c'est quoi votre état dans ce cas-là? C'est quoi votre situation? Comment on peut vous placer? Dans quelle catégorie on peut vous déclarer ou vous placer dans ce cas-là? Hein? Donc, le cheikh dit, si vous dites, nous, on fait la da'wah, on va vous répondre, oui, ça c'est bien si vous faites la da'wah, mais vous faites la da'wah en vous basant sur quel manhaj, sur quelle voie, sur quelle méthodologie. Si vous êtes en train de dire que vous faites la da'wah et que vous faites, vous invitez les gens à la foi et à l'islam et à la sunnah en vous basant sur la méthodologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur l'exemple et la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors dans ce cas-là, nous, on vous dit Alhamdulillah et on se réjouit pour vous. Et on jure, le cheikh dit, je jure par Allah, celui qui n'y a pas d'ordre en dehors de lui qui mérite l'adoration, nous nous réjouissons et nous faisons des doigts pour vous. Mais si vous êtes en train de faire la da'wah, soi-disant, en vous basant sur ces groupes et ces partis islamistes qui sont déviés de la sunna, qui contredisent la sunna, alors dans ce cas-là, hein, on a une chose seulement qu'on est capable de faire. Parce qu'on vous a donné la nasiha au sujet de l'égarement de ces groupes. Donc on a juste une chose maintenant, il nous reste une chose à vous dire seulement. On ne peut que faire un doigt pour vous. De demander à Allah subhanahu wa ta'ala de ramener nos frères à la vérité d'une belle façon et de les ramener vers qu'est-ce qui est correct d'une façon qui est glorieuse. Donc ça c'est le doigt qu'on peut faire pour vous seulement. Et ça c'est une chose qui est importante parce qu'il y a des groupes de bid'a qui vivent ici en Occident en particulier, qui veulent s'intégrer, qui veulent vivre ici dans le sens qu'ils veulent nier les principes de l'islam pour arriver à rester ici seulement, juste pour faire en sorte qu'ils puissent s'intégrer et s'infiltrer dans cette société-là. À n'importe quel prix, à n'importe quel prix, même si ça implique qu'ils doivent nier les principes et les règles de l'islam, ou contredire le Coran et la Sunna, ou faire tous les péchés qui sont interdits par l'islam, c'est pas grave pour eux. Ils sont prêts à faire tous les compromis possibles pour arriver à leur but de pouvoir vivre dans des sociétés non musulmanes. Hein? Et donc, ils veulent faire ça et ils pensent que de faire ça, c'est quelque chose qui est bien. Et quand quelqu'un dans une société non musulmane, un musulman, est venu et enseigne aux autres certains principes de la charia qui sont reconnus par tous les savants de l'islam de toutes les époques, quand on est en train d'enseigner ça aux musulmans, eux, ils vont voir les koufars et ils disent aux koufars, ça nous on n'est pas d'accord avec qu'est-ce que lui il dit, ce sont des choses qui sont des formes d'extrémisme et nous on n'accepte pas ces enseignements là ou des choses comme ça, alors que il faut les mettre dans leur contexte. Il y a des gens qui jouent avec le fait qu'il y a des égarés parmi les gens qui font des actes de terrorisme ou qui tuent des gens innocents, et ils essaient de jouer avec ça, du fait que si on enseigne des principes de la charia, alors ça implique qu'on est des extrémistes et qu'on accepte le terrorisme ou des trucs de ce genre. Et ça, c'est des amalgames qui sont faits par les médias d'une façon malhonnête, malheureusement, qui joue avec les sentiments des musulmans, parce qu'il n'y a personne qui veut être associé à ces égarés parmi les khawarij et les terroristes. Il n'y a personne qui est d'accord avec eux parmi les gens qui ont un minimum de raison, hein, les gens qui ont un minimum de raison et de connaissance de la religion musulmane ne peuvent pas accepter qu'est-ce que ces égarés-là font au nom de la religion. Donc, on est tous d'accord que ce qu'ils font et ce qu'ils disent, si on a compris l'islam comme il faut, qu'on a compris le Coran et la Sunna, on sait que qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils disent au nom de l'islam, ces égarés, c'est contraire à la religion musulmane. Ça, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que par la suite, des gens utilisent ces activités de ces gens-là égarés pour le jeter par la suite sur les musulmans. Et par la suite, ils vont dire, on n'est pas contre l'islam et les musulmans, mais on est juste contre les intégristes. Et les intégristes, c'est qui? Les intégristes, c'est ceux qui expliquent et qui clarifient certains principes de l'islam qui sont reconnus, qui sont acceptés par tous les savants de l'islam de toutes les époques. Et ils disent, non, nous on accepte juste l'islam et pas les intégristes. Mais c'est quoi la différence entre un musulman et un intégriste? Il faut bien expliquer ça. Hein? Parce que ces gens-là, ils jouent avec ça. S'ils veulent dire qu'un intégriste est un terroriste, quelqu'un qui tue et qui met des bombes ou qui fait des attentats suicides ou des trucs de ce genre, alors nous on se désavoue, on n'est pas des intégristes dans ce cas-là. Mais si être un intégriste, c'est de croire en Allah, de croire en tout ce qui est dans le Coran, que c'est la vérité absolue, que c'est quelque chose que chaque musulman doit reconnaître et croire du fond de son cœur, et accepter et ne rien mettre en opposition avec ce qui est dedans, et de croire en la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique, et de s'y soumettre et de l'accepter tout en entier, et d'accepter tout ce qui est dans la charia de A à Z, même si c'est un petit point sur une lettre, de tout accepter ce qui vient d'Allah, chaque mot, chaque lettre de la révélation, et de mettre ça au-dessus de toute autre chose dans le monde, et d'accepter et de croire en tout ce qui est dans la révélation. Si c'est ça d'être un intégriste, alors dans ce cas-là, il est obligatoire à chacun d'entre tous les musulmans qui sont sur la terre aujourd'hui, c'est obligatoire pour eux dans ce cas-là de dire oui, on est intégriste. Si c'est ça être un intégriste. Mais si c'est d'être un tueur, d'être quelqu'un qui fait des actes terroristes ou qui tue des innocents, ou qui fait du mal aux autres de façon injustifiée, alors ça, dans ce cas-là, on s'en désavoue et on rejette ça complètement et on s'en écarte. Hein? Et nous, on affirme ce que Allah a affirmé et on nie ce que Allah a nié. Et c'est tout. Que ça plaise ou que ça plaise pas aux autres. Mais il faut que les musulmans cessent d'avoir peur d'affirmer la vérité et de dire ce que Allah a dit et de dire ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Parce que les koufars, quand ils disent, par exemple, qu'ils insultent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou qu'ils insultent la charia, ou qu'ils insultent les punitions dans l'islam, ils sont en train d'insulter Dieu, ils sont en train d'insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il faut comprendre qu'ils utilisent cette distinction entre un intégriste et un musulman pour insulter l'islam et les musulmans. Mais nous, de notre côté, on doit agir avec sagesse. De notre côté, on doit agir avec patience. De notre côté, on doit agir avec compréhension et intelligence et connaissance. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit endurer ce qu'ils disent. On doit écouter ce qu'ils disent et réfuter ce qu'ils disent avec preuve, avec connaissance et avec sagesse, avec calme. Hein? Et avec intelligence, parce qu'ils ne peuvent rien faire de plus que nous insulter. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a été insulté à son époque. Et il a été traité de nom. Il a été traité d'injure. On l'a accusé de toutes sortes de choses. On lui a dit, t'es un sorcier, t'es un magicien, t'es pas un prophète. Et il est resté, il continuait sa da'wa, il a été patient. Il n'a pas fait de mal à personne, il n'a même pas insulté personne. A fait preuve de patience. Hein? Et nous, c'est ça ce qu'on doit faire. Quand les koufars, ils insultent l'islam, ou quand les koufars insultent la charia, ou quand ils nous disent, vous êtes des fous, vous êtes des maniaques, vous êtes des rétrogrades, vous êtes des retardés, vous êtes des... On accepte, on les écoute, et puis on leur sourit. Et puis on leur dit, vous allez voir au jugement dernier qui était un fou et un rétrograde. Allah, il va juger entre vous et nous au jugement dernier, et vous allez voir ce jour-là, qui était le rétrograde et qui était le retardé? Le jour des comptes. Donc, on n'a pas à réagir de façon comme les hizbiyyin et les takfiriyin et les khawarij qui vont faire des attentats, qui vont casser tout, qui vont faire des révoltes et des manifestations. Non. Nous, on prend notre calme et on leur répond avec science, avec sagesse, avec patience, avec compréhension. Et on accepte ce qu'ils nous disent, et en réalité, on leur répond avec les paroles d'Allah, avec les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah, il a parlé de ça dans le Coran. Donc, si on agit comme ça avec sagesse et avec patience et qu'on endure leurs insultes et leurs mauvaises paroles et leurs mauvais comportements, Inch'Allah, la victoire nous appartient. Petit à petit, vous allez voir, ils vont dépasser la limite. Ils vont commencer à faire des actes qu'ils vont regretter par la suite, ces koufars. Et nous, Inch'Allah, on aura les mains propres et la langue propre. La seule chose qu'on a fait, on a dit la vérité qui vient d'Allah. Même si ça, on n'a rien fait d'autre. on n'est pas des terroristes, on n'est pas des extrémistes, on n'appelle pas à la violence, on n'appelle pas à transgresser la limite d'Allah, on appelle uniquement à l'islam, au Coran et à la Sunna. Et c'est tout. Maintenant, si ça ne leur fait pas plaisir, c'est leur problème, mais c'est notre religion. Et s'ils prétendent qu'on a une liberté de religion, alors qu'ils nous la donnent, cette liberté, soi-disant liberté, on n'aura pas demandé, c'est eux qui nous l'ont offert. Alors s'ils nous la donnent, qu'ils la donnent réellement, qu'ils ne nous demandent pas de déformer notre religion pour leur faire plaisir. Parce que si on est obligé de déformer l'islam pour être libre de pratiquer l'islam, alors où est-ce qu'elle est la liberté de religion dans ce cas-là? On n'a pas réellement une liberté de religion dans ce cas-là, puisqu'on est obligé de changer l'islam pour avoir cette liberté. Et ça, c'est du chantage qu'on est en train de nous faire. Alors nous, on dit non. Vous nous dites qu'on a la liberté de religion? Alors donnez-nous notre liberté de religion. Vous nous insultez? Vous insultez notre religion, vous insultez notre Coran, vous insultez notre Sharia, vous insultez notre prophète. Vous allez avoir votre jugement au jugement dernier, vous allez être jugé par Allah pour ça. Mais de notre côté, nous on a le droit en même temps de clarifier la vérité sur l'islam à nos frères et à nos sœurs musulmanes dans nos mosquées, de leur donner des cours sur notre religion, de leur clarifier la réalité sur notre croyance et sur notre pratique islamique. On n'a pas à déformer ou à changer les enseignements de notre religion pour faire plaisir à ceux à qui ça déplaît. Parce que nous, il y a plein de choses que vous faites, vous, les koufars, qui nous déplaisent. Il y a plein de choses que vous faites, vous, qui nous déplaisent, et on n'a pas le pouvoir de vous empêcher de le faire. Hein? On vous laisse nous insulter. On vous laisse nous dire des bêtises et insulter notre charia et notre religion. On ne vous amène pas en cours. Pour ça, il y en a qui le font peut-être parmi les hizbiyyin, mais nous, on ne l'a pas fait. Nous, les salafis, on ne se mêle pas de ça. Hein? On endure et on fait preuve de patience. Continuez à nous insulter. On va le prendre, on va l'accepter. On va rien faire. On va juste vous écouter, puis on continue à enseigner notre religion. Vous nous laissez en paix. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ça dans le Coran. Lakum dinukum waliya din. Vous avez votre fausse religion, vous êtes dans votre égarement, faites ce que vous voulez. Nous, on a notre religion et notre croyance, on fait ce qu'on veut dans notre religion, dans le sens qu'on pratique, qu'est-ce que Allah nous a ordonné de faire, même si ça vous déplaît. Mais, au jugement dernier, vous allez être jugé pour vos actions, et nous, on va être jugé pour nos actions. Hein? On ne vous force pas d'écouter si vous ne voulez pas écouter. On ne vous force pas d'entendre si vous ne voulez pas entendre. Mais on va continuer à expliquer, à clarifier la religion d'Allah pour ceux qui veulent l'apprendre. Ceux parmi les gens qui se disent musulmans, qui ne sont pas d'accord avec nous, qui ne veulent pas nous écouter, ils ne sont pas forcés de nous écouter. S'ils ne veulent pas nous écouter, Allah va les juger eux aussi, c'est leur problème. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à son prophète dans le Coran, « In alayka illa al-balagh » Tu n'as qu'à transmettre. Ton rôle, ce n'est que de faire la transmission du message. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, « Fadakkir innama anta mudhakkir. Lesta alayhim bimusaytir illa man tawalla wa kafar fasayu'adhibuhullahu al-azab al-akbar. » Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, « Rappelle, car tu n'es que quelqu'un qui est là pour rappeler. Tu n'es pas là pour les contraintes. Tu n'es pas là pour venir pour les forcer. Hein? Tu n'es là juste que pour leur rappeler. Voici ce que Allah a dit. Voici ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Voici ce que l'islam dit. Faites ça et écartez-vous de ce qui est haram. Ça c'est haram, ça c'est pas correct, ça c'est contraire à l'islam. C'est ça le rôle du prophète. Illa man tawalla wa kafar. C'était celui qui s'est détourné et qui a rejeté la vérité. Allah va le juger d'un dur châtiment au jour de la résurrection. Inna ilayna iyabahum wa inna alayna hisabahum. C'est vers nous qu'ils vont être tournés et c'est nous au jugement dernier qui allons. Hein? Ils vont retourner vers nous et c'est nous qui allons les juger au jour de la résurrection. Donc, c'est ça qu'on dit nous. Hein? On n'a pas forcé personne à porter le hijab. On leur dit par exemple qu'elles doivent le porter. Les femmes doivent le porter. On n'a pas dit à personne. On n'est pas allé prendre personne dans la rue pour lui mettre un hijab de force. Non. Mais on a le droit de dire aux musulmans, si vous portez pas les, aux musulmanes, si vous ne portez pas votre hijab comme il faut selon les règles de l'islam, Allah va vous punir pour ça. Craignez Allah. On a le droit de dire ça. Et personne n'a le droit de nous interdire de dire ça. Et on a le droit également de dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a prescrit pour certains crimes, certaines choses que certains pécheurs vont faire, il a prescrit certaines punitions et certaines règles. Et personne ne peut nous interdire d'enseigner ça puisque c'est dans notre religion. On va s'arrêter ici, inshallah, pour aujourd'hui et on va continuer le reste demain, inshallah. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته